tu m'as niqué les oreilles. Hein. Tiens, quand tu balances un truc, fais gaffe quand même. J'ai un casque. Oh le salaud. Bon, ben là ça marche, mais bon, c'est pas ma journée, je crois. Putain, fais gaffe, Bill. Sauf que tu m'as niqué les oreilles, salaud. Alors du coup, j'entends plus rien maintenant à cause de toi. Et si tu cherches, tu vas trouver. Vu que tu es informaticien, tu devrais savoir. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Ça marche, Phil. Est-ce que tu sais sauvegarder un son, toi, et l'envoyer? Parce que là, celui-là, je l'aime bien, celui-là. Je sais pas celui-là, celui-là. Alors, comment on fait? Save as. C'est vrai que j'ai pas compris. Tu le sauvegardes comment, où, et si tu veux l'envoyer à quelqu'un? Merde. Il y a save as.